Oh oh, qu'est-ce que j'entends? C'est le Grenier Pop, le vendredi de 16h30 à 17h et en rediffusion le mardi à partir de 19h30. Avec Fred à l'antenne, tu as 30 minutes pour replonger dans la culture pop et ouvrir de vieilles boîtes remplies de mille et un souvenirs. Yeah, baby!